Madame Neigeon, chapitre 5. Ceci est le dénouement de l'aventure. Oh, quelle leçon! Mais tâchons de compter les choses froidement. Dimanche, Monsieur Neigeon a été nommé conseiller général. Après le dépouillement du scrutin, il est devenu évident que, sans notre appui, le candidat échouait. Mon père, qui, lui, a vu Monsieur Neigeon, m'a laissé entendre qu'un homme si absolument médiocre n'était pas à craindre. D'ailleurs, il s'agissait de battre le candidat radical. Le soir, après le dîner, le vieil homme s'est réveillé chez mon père et il s'est contenté de me dire « Tout cela n'est pas bien propre, mais ils m'ont tous répété que je travaillais pour toi. Enfin, fais ce que tu dois faire. Moi, je n'ai qu'à m'en aller, car je ne comprends plus. » Le lundi et le mardi, j'ai hésité à me rendre au Mureau. Il me semblait qu'il y avait quelque brutalité à aller si vite chercher des remerciements. D'ailleurs, les enfants ne me gênaient plus. Je m'étais raisonné en me prouvant que Louise était aussi peu mère que possible. Ne disait-on pas dans ma province que les Parisiennes ne sacrifiaient jamais un plaisir à leurs enfants et qu'elles abandonnaient ceux-ci aux domestiques pour être libres? Hier, mercredi, tous mes scrupules ont donc disparu. L'impatience me dévorait. Je suis parti en guerre dès 8 heures. Mon projet était d'arriver au Mureau comme la première fois, le matin, et de trouver Louise seule à son lever. Mais, quand je suis descendu de cheval, un domestique m'a dit que madame n'était pas encore sortie de sa chambre, sans m'offrir d'ailleurs d'aller la prévenir. J'ai répondu que j'attendrais. Et j'ai attendu, en effet, 2 grandes heures. Je ne sais plus combien de fois j'ai fait le tour du parterre. De temps à autre, je levais les yeux vers les fenêtres du premier étage, mais les persiennes en restaient hermétiquement closes. Là, et énervée de cette promenade prolongée, j'ai fini par aller m'asseoir sous le berceau de Volubilis. Ce matin-là, le temps était couvert. Le soleil ne glissait pas en poussière d'or entre les feuilles. Il faisait presque nuit dans ces verdures. Je réfléchissais, je me disais que je devais jouer le tout pour le tout. Ma conviction était que si j'hésitais de nouveau, Louise ne serait jamais à moi. Je m'encourageais, j'évoquais ce qui me l'avait fait juger complaisante et facile. Mon plan était simple, et je le mûrissais. Dès que je me trouverai seule avec elle, je lui prendrai les mains. J'affecterai d'être troublée, afin de ne pas trop l'effaroucher d'abord, puis je lui baiserai le cou. Et le reste allait tout seul. Pour la 10e fois, je perfectionnai mon plan. Lorsque tout d'un coup, Louise apparut. « Où vous cachez-vous donc ? » disait-elle gaiement, en me cherchant dans l'obscurité. « Ah, vous êtes là ! Il y a 10 minutes que je cours après vous. Je vous demande pardon de vous avoir fait attendre. » Je lui ai répondu, la gorge un peu serrée, que l'attente n'avait rien d'ennuyeux lorsqu'on songeait à elle. « Je vous avais averti, » a-t-elle repris sans paraître s'arrêter à cette fadeur. « Je ne suis campagnarde que la première semaine. Maintenant, me voilà redevenue parisienne. Je ne puis plus quitter mon lit. » Elle était restée à l'entrée du berceau, comme si elle n'eût pas voulu se risquer dans le noir des feuilles. « Eh bien, vous ne venez pas ? » a-t-elle fini par me demander. « Nous avons à causer. » « Mais on est très bien, là, » ai-je dit, la voix frémissante. « Nous pouvons causer sur ce banc. » Elle a eu encore une hésitation d'une seconde, puis bravement, « Comme vous voudrez. » « C'est qu'il fait si noir, il est vrai que les paroles n'ont pas de couleur. » Et elle s'est assise près de moi. Je me sentais défaillir. L'heure était donc arrivée. Encore 1 minute et je lui prenais les mains. Cependant, toujours très à l'aise, elle continuait à parler de sa voix claire, qu'aucune émotion n'altérait. « Je ne vous remercierai pas en phrases toutes faites. Vous nous avez donné là un bon coup d'épaule, sans lequel nous restions sur le carreau. » J'étais hors d'état de l'interrompre. Je tremblais, je m'exhortais à l'audace. « D'ailleurs, entre nous, les mots sont inutiles, » avait-elle repris. « Vous savez, nous avons conclu un marché. » Elle riait en disant cela. Ce rire m'a décidé brusquement. Je lui ai saisi les mains et elle ne les a pas retirées. Je les sentais toutes petites et toutes tièdes dans les miennes. Elle les abandonnait amicalement, familièrement, tandis qu'elle répétait « Oui, n'est-ce pas ? C'est à moi de m'exécuter maintenant. » Alors, j'ai osé la brutaliser, lui tirer les mains pour les poser sur mes lèvres. L'ombre avait augmenté, un nuage devait passer sur nos têtes. L'odeur forte des herbes me grisait dans ce trou de feuillage. Mais avant que mes lèvres se soient posées sur sa peau, elle s'est dégagée avec une force nerveuse que je n'aurais pas soupçonnée. Et à son tour, elle m'a pris rudement par les poignets. Elle me maintenait, sans colère, la voix toujours calme, un peu grondante pourtant. « Voyons, ne faites pas d'enfantillage, » a-t-elle dit. « Voilà ce que je craignais. Me permettez-vous de vous donner une leçon pendant que je vous tiens là, dans un petit coin ?» Elle avait la sévérité souriante d'une mère qui réprimande un gamin. « Dès le premier jour, j'ai bien compris. On vous a conté des horreurs sur mon compte, n'est-ce pas ? Vous avez espéré des choses, et je vous excuse, car vous ne savez rien de ce monde. » Vous êtes tombé à Paris avec les idées de ce pays de loups. Puis vous vous dites encore que c'est un peu de ma faute si vous vous êtes trompé. J'aurais dû vous arrêter. Vous vous seriez retiré sur un mot de moi. C'est vrai, je n'ai pas prononcé ce mot. Je vous ai laissé aller. Vous devez me regarder comme une abominable coquette. Savez-vous pourquoi je n'ai pas dit ce mot ? J'ai balbutié, l'étonnement de cette scène me paralysait. Elle me serrait les poignets davantage, elle me secouait, me parlant de si près que je sentais son souffle sur mon visage. « Je ne l'ai pas dit parce que vous m'intéressiez et que je voulais vous donner cette leçon. Vous ne comprenez pas encore, mais vous réfléchirez et vous devinerez. On nous calomnie beaucoup. Nous faisons peut-être tout ce qu'il faut pour cela. Seulement, vous le voyez, il y en a qui sont honnêtes, même parmi celles qui paraissent les plus folles et les plus compromises. Tout cela est très délicat. Je vous répète que vous réfléchirez et que vous comprendrez. « Lâchez-moi, » ai-je murmuré tout confus. « Non, je ne vous lâcherai pas. Demandez-moi pardon si vous voulez que je vous lâche. » Et, malgré son ton de plaisanterie, j'ai senti qu'elle s'irritait, que des larmes de colère montaient à ses yeux sous l'affront que je lui avais fait. Un sentiment d'estime, un véritable respect pour cette femme si charmante et si forte, grandissait en moi. Sa grâce d'Amazone apportait vertueusement l'imbécilité de son mari, son mélange de coquetterie et de rigueur, son dédain des mauvais propos et son rôle d'homme dans le ménage, caché sous l'étourderie de sa conduite, en faisait une figure très complexe qui m'emplissait d'admiration. « Pardon, » ai-je dit humblement. Elle m'a lâché, je me suis levé aussitôt, tandis qu'elle restait tranquille sur le banc, ne craignant plus rien de l'obscurité, ni de l'odeur troublante des feuillages. Elle a repris sa voix gaie en disant « Maintenant, je reviens à notre marché. Comme je suis très honnête, je paie mes dettes. Tenez, voici votre nomination de secrétaire d'ambassade. Je l'ai reçue hier soir. » Et, voyant que j'hésitais à prendre l'enveloppe qu'elle me tendait, « Mais, » s'est-elle écriée avec une pointe d'ironie, « il me semble qu'à présent, vous pouvez bien être l'obligé de mon mari. » Tel a été le dénouement de ma première aventure. Lorsque nous sommes sortis du berceau, Félix se trouvait sur la terrasse avec Gauchereau et Berthe. Il a pincé les lèvres en me voyant venir, ma nomination à la main. Sans doute, il était au courant de tout et il se moquait de moi. Je l'ai prise à l'écart pour lui reprocher amèrement de m'avoir laissé commettre une pareille faute. Mais il m'a répondu que l'expérience seule formait la jeunesse. Et comme je lui désignais d'un signe Berthe qui marchait devant nous, l'interrogeant aussi sur celle-là, il a eu un haussement d'épaules d'une signification fort claire. Les choses étant ainsi, je dois avouer que, malgré tout, je ne comprends pas encore très bien l'étrange morale du monde, où les femmes les plus honnêtes montrent des complaisances singulières. Ce qui m'a donné le dernier coup, ça a été d'apprendre par Gauchereau lui-même que mon père les avait invités, lui et sa femme, à venir passer 3 jours au Bocquet. Félix s'était remis à sourire en nous annonçant qu'il rentrait à Paris le lendemain. Alors, je me suis sauvée. J'ai prétexté que j'avais formellement promis à mon père d'être de retour pour l'heure du déjeuner. J'étais déjà au bout de l'avenue lorsque j'ai aperçu un monsieur dans un cabriolet. Ce devait être Monsieur Naigeon. Ma foi, j'aime mieux l'avoir manqué encore. C'est dimanche que Gauchereau et sa femme viennent s'installer au Bocquet. Quelle corvée !